Starfallah, ça vend la mort. Hamdoullah, sa vie, frère. Donne juste un Clio 2, le fort de la BAC. Je lui mets la misère. Des patates dans la visière, des doras sur la civière. J'aurais dû leur dire avant que je les aimais, mais j'étais si fier. Anniversaire dans le noir, hey, où y'a personne qui t'appelle. J'aime les gens simples, je respecte plus l'ange et que les stars de la belle. Avant c'était mieux, tu te rappelles. Shorté de Jardave, j'avais le sourire. Puis j'ai bien failli me faire cry par des racks, j'avais nourri. Avant de prendre des risques, faut faire un calcul bénef peine. Mieux vaut pas que je sois soutis si je me rends compte que mes nièces traînent. J'avais pas de cartable, BDP, une paire de baskets à tes. Je laissais des bouts de pot de coudou de genou sans le bitume de la Tessie. 15 ans au CJD, ça faisait pas de cabane dans un chêne. Hey, je fume du triple filtre et sur le star, je recrache des chèmes. Très Belek ici s'inquiète, parle pas de bénef trop fort. On sait pareil, il a pris 8 biches, ça me fait pas d'électrochoc. J'ai grandi chez les pauvres, frère, là où y'a beaucoup de valeur. L'onglet devant le bat, on prend un flash, on se parle de chaleur. J'ai failli mourir tout à l'heure. Il me doit 5 qui s'évapore, je touche le fond, je rebondis comme écrasement de tête avec des vapeurs. Quand tu peux pas courir, attends le destin au tournant, pas d'excuses pour sortir de la haisse. Une quête pas dans le fauteuil roulant, tu te débats, on te regarde couler. Je prends le somme, je remonte le courant. Frère, je rigole avec toi, je te laisse penser que je suis pas au courant. Africaine et l'accueil, plus de cœur qu'un chanteur de gospel. 11 ans, la rue me guettera, à 17 ans, je lui roule une grosse pelle. Les petits bonus, les grosses pertes. Je rallume un gros der, te dis jamais c'est bon, j'ai vu la petite manger la grosse bête. C'est qu'il est vrai, c'est qu'il est saloperie. Des fois on sait plus. Encore comme quand je me rends compte d'à quel point j'aimais ce que j'ai pu. Je demande rien, ça me saoule. Moi toujours je m'assume, frère, ça fait pas que du rap, ça vend de la drogue, ça ouvre des sasus. Je comprends plus trop l'humain, je lui fais une passe, lui il veut me dribbler. Je te passe pris touchant, tu t'enlises, mais t'avais moyen de tripler. Non, je suis pas fait pour briller, on en reparle dans 34. 5 ou 6 je tombe dans les roses, c'est que je fais du j'tard dans 34. Le cœur qui tape en chasse sur les jantes. Je la vache, je la fais goûter, poteau. T'as cru, on tape sur les chantes. La poisse a demandé un tête. J'ai vu la chance qui courait. À deux doigts de craquer pour rien. Enterrement, j'y vais bourrer. Un calibre dans la cage, ça tourne sur Paname. Banal, même en vacances, un grand chlasse dans la banane. Je lui faisais la bise, il se faisait filocher. De lui, il repart sur toi. Belle avec les puces, tu fonds des ricochets. Plus de moi, elle me fait rêver la vie comme la donnée. J'ai encore shooté dans un meuble, claqué la porte, elle va me le pardonner. Je ressemble au vieux, il m'a lâché la main pour m'en foutre plein la poire. Là, je fais une pause dans l'écriture pour aller prendre à boire. Allô, je sais plus ce que je disais. J'aurais pu faire des études, j'ai pris des coms de misère. Local poubelle en hiver, le soleil se lève tous les matins pendant que j'encule ma vie. Là, je viens de changer une chocou, je me rappelle plus de ma rime. La rage contre les condés, contre l'épicerie qui m'allume, contre les anciens qui volent depuis l'époque du shit dans la lune. J'ai ralenti la bédave, poteau, je suis resté bête. J'essaye de rester net, c'est même plus moi qui décide. Cherchais encore l'amour, je m'entraîne à dire je t'aime sur des cibles. On m'a prévenu, j'ai vu des signes, on me fait la morale pendant que je dessine. Je me lève par dépit, j'ai des épis, je fais ce qu'il ambiance tard les équipes. Dernier verre, un nique ta mère, une chatte dans le ventre sous Eti. Wesh, t'as 15 ans, tu me parles de peine à deux chiffres. Wesh, t'as 40 ans, tu me parles de barrettes de shit. Frôler la psychiatrie, je m'en remets petit à petit. Et si tu veux traîner dans la bande, faut que tu nous montes tes cicatrices. Genaza triste, pourtant personne ne pleure. Un piège à loup entre les cuisses, vérifie bien le passif avant les peines de cœur. Les petits sont vifs, mais pour un 10, il faut attendre 2 heures. Ça pue la piste, viens faire du bif avec ton film d'auteur. Ce soir, comme d'habitude, il parle de prendre des thunes en faisant l'accent latin. Comme d'hab, le baratin, je suis sur mon phone, je papote avec des connes. Je suis perdu dans mon verre, en se bréchant sur les perches, t'y sors mon jeu de te cache, prends la rage si je perds. Je commence à croire que le chauve en bleu a le droit de me tarter et que je le mérite. Je pensais qu'un jour je m'en sortirais, mais hamdoullah, je suis guéri. 2-3 insultes sur le répondeur musical de la cave. 2-3 années au j'tard, 2-3 boulettes qui traînaient dans la cave. Et je fais un groupe avec mon ref, c'est mon rappeur préféré. Je m'inquiète plus que sa maman quand il est déféré. Je me laisse porter par un ascenseur, je vais encore entrer bourré, m'écouter parler comme un penseur, mais sincère. Basé charclé, kicker les clean sans perme. Je commence un peu à croire que t'aimes qu'il t'enferme. Je répare mon cœur au carton, hardcore comme se dire pardon. J'avais des mains faites pour le piano, elles sont dans du charbon. Les femmes à qui j'ai brisé le cœur aujourd'hui sourient à leur mari. Pendant que je me rapproche de la PC et que je repousse le soin de mes caries. Des larmes sur Eric Satie, y'a personne pour témoigner. Les portes du succès fermées, j'ai craché sur la poignée. Je t'écoute te confier à mon cœur de pierre et je sors de clope d'un paquet presque vide. J'attends rien de ce qui me reste de vie, je suis dans ma tête, j'appuie sur toutes les touches. Méfie-toi des dents que te montent les bouches. Les cons des pouces, ils ont le mort contre les choufs.